t'es gentil. J'adore voir ta sonne, y'a qu'à venir. Yeah, cause he is my imaginary lover. Yeah, he rocks my dreams at night. I imagine he can love me like no other. He's the one, he's Mr. Right. Mr. Lover, lover, lover. Mr. Lover, lover, lover. Rêver ton rêve, rêver l'homme. Rêver plaisir qui sourit toujours. J'étais pas même attendu.